tu sors. We'll be right back. fait. C'est un petit mouvement d'avant en arrière. Alors nous sommes comme un rocking chair. C'est un petit mouvement d'avant en arrière. Thank you. guerre assise derrière ton écran plein. Amila, jeune fille rebelle au look politiquement incorrect. Amila, toutes les erreurs de ton passé sommeillent en toi comme une promesse. Amila, cachée derrière ses yeux noisettes, au fond tu te reconnais pas. Gronde, te questionne sur ton état. Pourquoi tant de haine dans ce monde? Pourquoi l'on ne sait pas? Les âmes sont peut-être nées comme ça. Hey, tant pis, on n'a pas toutes les réponses. On fait tout de notre mieux pour vivre tous les jours avec ça. On agit, on suit, on pense sur nous et les autres. Tu ne veux pas qu'on compte sur toi. Amila, tu rêves d'un monde anarchiste où l'on spécule sur la bonne foi. Amila, tu veux pouvoir vivre sereine sans que ton cœur soit aux abois. Mila, dansons avec les ours polaires avant qu'une bombe ne jette un froid. Entend leur beauté féconde. Alors pourquoi les âmes se mordent, se saignent à mort au prix de l'homme, et blessent l'innocence en venant. Hey, tant pis, on n'a pas toutes les réponses. On fait tout de la vie.